Lettre 46e, continuation de la lettre d'Evelina, Holborn, le 2 juin. M. Smith réussit hier à lier une partie pour le Vauxhall. Mme Duval, M. Dubois, les Branton, M. Brown, en étaient et moi aussi, car malgré tous mes efforts, il faut que j'en passe par tout ce qu'ils veulent. Il fut convenu que nous partirions à 8 heures en barque. Une course sur la Tamise était une nouveauté pour moi. J'avoue que je fis le trajet avec un vrai plaisir. Le jardin du Vauxhall est beau, mais trop régulier. J'y voudrais moins d'allées tirées au cordeau, moins d'uniformité. L'illumination et la société brillante qui s'assemble en cercle près de l'orchestre offrent un coup d'œil admirable et si j'avais été en meilleure compagnie, je crois que je me serais plu beaucoup dans cet endroit. Nous y avions eu une assez bonne musique et entre autres un concert de hautbois qui fut supérieurement bien exécuté. Cet instrument est d'un grand effet en plein air. M. Smith s'attacha encore à me faire sa cour avec autant d'assiduité que de hardiesse. Il m'excéda bientôt et je m'en tins au seul M. Dubois. Il est honnête et respectueux, et depuis que j'ai quitté Howard, je n'ai pas fait la connaissance de personne de son sexe qui le vaille. Il parle à la vérité un anglais à écorcher les oreilles, mais, tant bien que mal, il se fait comprendre. Je suis trop timide pour risquer de parler le français, que je sais peu d'ailleurs. Au reste, je retire un double avantage de mes conversations avec M. Dubois. Je me débarrasse par là des autres personnages de cette société et en même temps je fais plaisir à Mme Duval. Nous étions à nous promener dans le voisinage de l'orchestre quand j'entendis sonner une cloche. Je ne connaissais pas ce signal et M. Smith, pour me l'expliquer, me fit courir à perdre haleine jusqu'au bout du jardin. Là, il me fit entendre qu'on allait faire jouer les os. Nous arrivâmes encore à temps pour jouir de ce spectacle qui méritait effectivement d'être vu. Ensuite, on me fit faire quelques tours dans le jardin, où tous les objets m'étaient nouveaux. Mon ignorance et mes méprises amusèrent infiniment ceux qui étaient de notre partie. Le souper fut servi dans une des premières loges, et nous nous mîmes à table vers 10 heures. On trouva beaucoup à redire à chaque plat, et cependant on les vida jusqu'au dernier morceau. La conversation roula pendant le repas sur la cherté des vivres, et sur les profits que l'hôte pouvait faire sur notre dépense. Après qu'on nous eut apporté du vin et du cidre, M. Smith s'écria « Ah ça, donnons-nous-en un cœur joie, il est temps ou jamais. Comment trouvez-vous, Miss, notre Vauxhall ?» Le jeune Branton. « Comment elle le trouve ? Admirable, je pense. Où voulez-vous qu'elle ait jamais vu un endroit comme celui-ci ? » Miss Branton. « Quant à moi, je m'y plais, parce qu'on y est en belle société. » Monsieur Branton. « Convenez, Miss, que cette soirée est une fête pour vous. Je juge que, de longtemps, vous ne vous êtes pas diverti comme aujourd'hui. » Je tâchais de leur marquer mon contentement, mais apparemment mes éloges ne leur parut pas assez exaltés. Ils avaient l'air du moins d'en attendre davantage. Le jeune Branton ajouta à ses dissertations que, pour goûter véritablement le Vauxhall, il fallait y être à la clôture. « Cela fait, continua-t-il, une soirée délicieuse, un désordre, une confusion de monde, un tintamarre. Ici, des lampions brisés, là, des femmes qui courent pêle-mêle. Oh, sur ma foi, je ne manquerai pas la dernière soirée pour bien de l'argent. » On demanda enfin le compte de la dépense et nous nous levâmes. Les demoiselles Branton proposèrent de prendre l'air pendant que les hommes régleraient l'écho. Madame Duval ne voulut point s'exposer dans la foule sans cavalier et je refusai également. Sans doute par la même raison, reprit Miss Polly, en jetant un regard significatif sur M. Smith. Ce fut uniquement pour ne pas flatter la vanité de ce dernier que je demandai à Madame Duval la permission de la quitter pour un instant. Elle me l'accorda sans peine, et nous convînmes que nous la rejoindrions dans la salle. Je fus d'avis de nous y rendre d'abord, mais les demoiselles furent d'avis qu'il fallait auparavant nous divertir encore un peu. Avec cela, elles parlaient si haut, et riaient avec si peu de ménagement qu'elles attirèrent tous les regards sur nous. « Il faudrait, reprit l'aîné, que nous fissions un tour dans les allées sombres. L'idée est bien trouvée, ajouta sa sœur. Nous nous y cacherons et M. Brown croira que nous sommes égarés. » Je leur fis sentir toute l'incongruité de ce projet, qui d'ailleurs nous exposait à ne pas retrouver notre coterie du reste de la soirée. Mes représentations furent inutiles, et Miss Branton me fit même entendre que je serais apparemment mal à mon aise sans cavalier. Cette ineptie ne me parut pas digne de réponse. Je me laissai entraîner machinalement, malgré moi, et nous nous engageâmes assez avant dans une longue allée faiblement éclairée. Nous étions presque arrivés au bout, quand nous fûmes accostés par une troupe de jeunes gens. Leur démarche, leurs cris et leurs éclats de rire nous annoncèrent qu'ils étaient pris de vin. Ils nous entourèrent de manière que nous ne pûmes ni avancer ni reculer. Les demoiselles Branton poussèrent des cris et j'étais excessivement effrayé. Mais ces messieurs se moquèrent de notre peur. L'un d'eux s'avisa de me prendre rudement par le bras en me disant que j'étais une jolie petite créature. J'eus le bonheur de me dégager d'entre ses mains et je me sauvai en grande hâte pour rejoindre la compagnie que j'avais eu l'imprudence de quitter. Mais avant que je pusse atteindre mon but, je fus arrêté par une autre troupe d'hommes dont l'un me coupa le chemin en s'écriant « Où courez-vous si vite, ma belle ?» Un autre me retint par la main. Effrayé et hors d'haleine, j'eus à peine la force d'articuler quelques paroles. « Au nom du ciel, messieurs, m'écriai-je, laissez-moi passer !» À ces mots, l'un d'eux s'approcha brusquement de moi en disant d'un ton de surprise « Ciel, quelle voix ai-je entendu là ?»« Celle d'une de nos plus jolies actrices, » répondit un autre. « Non, repris, je ne suis point actrice. De grâce, laissez-moi. » « Par tout ce qu'il y a de sacré, » continua le précédent, que je reconnus pour sœur Clément Willoughby, « c'est elle-même. »« Oui, sœur Willoughby, » répliquai-je, « secourez-moi, je vous en prie, je meurs de frayeur. »« Messieurs, » s'écria-t-il, en écartant ceux qui me retenaient, « laissez cette dame, je la réclame. »« Ah ah !» répondirent-ils, en jetant de grands éclats de rire. « Willoughby est un prince fortuné. » L'un d'eux s'emporta beaucoup en jurant que je lui appartenais par droit de conquête et qu'il soutiendrait ses titres. Sœur Clément les assura qu'il se méprenait grossièrement et promit de leur expliquer l'énigme une autre fois. Je lui donnai le bras et nous nous en allâmes au milieu des acclamations de ses compagnons. Dès que nous les eûmes perdus de vue, sœur Clément n'eut rien de plus pressé que de demander de mes nouvelles. « Quel hasard, me dit-il, ma très chère vie, quelle étrange révolution vous amène dans ces lieux-ci ? » Honteuse et humiliée de ma situation, je gardai le silence. Ces questions réitérées me mirent cependant dans la nécessité de répondre, et je lui dis en bégayant « J'ai perdu, je ne sais comment, ma coterie. » Il me pressa la main, en ajoutant d'un ton de voix passionné « Oh, que ne t'ai-je rencontré plus tôt ?» Choqué d'une licence à laquelle je m'attendais si peu, je m'arrachai de ses mains. « Est-ce là, monsieur, la protection que vous m'accordez ?» Alors je remarquai ce que mon trouble m'avait empêché d'observer plus tôt. Il m'avait fait passer dans une autre allée aussi sombre que la première. « Grand Dieu, m'écriai-je, où suis-je ? Quel chemin prenez-vous ? » « Un chemin où nous n'avons point de témoins à craindre. » Indigné de ce propos, je refusai de le suivre davantage. « Et pourquoi pas, mon ange ? » reprit-il. Je palpitai de colère et le repoussai avec effort. « Osez-vous me traiter avec une telle insolence ?»« Insolence ? » répéta-t-il. « Oui, monsieur, c'est le mot qui vous convient. Vous me connaissez. Je devais espérer votre appui et vous osez vous permettre ? Vous me confondez. Que venez-vous donc faire ici ? Est-ce ici la place de Missanville ? Dans ces allées sombres, sans être accompagné, j'ai de la peine à en croire mes yeux. » Je lui tournai le dos, et sans daigner lui répondre, je courus en diligence vers l'endroit du jardin où je voyais des lumières et du monde. Il me suivit d'abord sans dire mot, puis il reprit « Vous ne voulez donc pas m'expliquer ce mystère ?»« Non, monsieur. » « Ni souffrir que je l'interprète moi-même. » Il me fut impossible de soutenir plus longtemps cette conversation. Je pleurais à chaudes larmes. Dans ce moment, il se jeta à mes pieds. « Oh, Missanville, la plus aimable des femmes, pardonnez-moi, de grâce, pardonnez si je me suis oublié. L'idée de vous avoir offensé me ferait mourir. » « N'importe, pourvu que je retrouve mes amis, soyez sûr que jamais je ne vous reverrai, que je vous ai parlé pour la dernière fois. » « Qu'ai-je donc dit ? Qu'ai-je donc fait, ma très chère dame, pour mériter tant de colère ? » « À quelle extrémité me croyez-vous donc réduite ? Vous profitez de l'absence de mes amis pour m'insulter. » « Ah, pouvez-vous me croire capable d'une pareille bassesse ? Je vous trouve dans une situation qui a lieu de me surprendre. Je vous demande un mot d'explication et vous avez la cruauté de me le refuser. » « Vous vous y êtes pris d'une façon qui ne devait vous attirer que du mépris. » « Du mépris ? Est-ce là le sentiment que j'inspire à Missanville ? C'est le seul que vous méritez. » « Eh ! Tandis que vous savez, mon aimable ami, que je ne respire que pour vous, que personne ne vous adore aussi passionnément, aussi tendrement que moi, pouvez-vous prendre plaisir à m'embarrasser, à me tourmenter de la sorte ? Vous vous trompez, monsieur. Vos embarras et vos tourments sont purement imaginaires. Ils peuvent m'offenser, mais je suis loin d'y prendre plaisir. Hélas, tant de hauteur peut-elle s'allier avec tant de douceur ? Je ne répondis plus rien, et je continuai à marcher à grands pas pour sortir de l'allée. Sœur Clément, qui me suivait de près, s'empara de ma main et me supplia avec les plus vives instances de lui pardonner ce qui s'était passé. C'est uniquement pour me débarrasser de ces importunités que je me vis forcé de souscrire en quelque façon à sa prière. Mais j'eus soin de le faire de la plus mauvaise grâce possible, et je lui promets bien que je n'en ressentirai pas moins sa conduite. Lorsque je fus de retour dans la salle, et que je n'eus plus rien à craindre pour ma propre sûreté, mes inquiétudes se tournèrent vers les demoiselles Branton, que j'avais laissées dans un danger manifeste. Cette réflexion l'emporta sur un reste de vanité, et je me déterminai à chercher au plus vite ma coterie. Ce ne fut pas sans me rappeler les précautions que j'avais prises à l'opéra, pour cacher à Sir Willoughby mes liaisons avec cette même société que j'allais rejoindre et qui était si différente de celle dans lesquelles il m'avait vu précédemment à Londres. J'aperçus bientôt Madame Duval et ses cavaliers. Sir Clément demeura stupéfait de me voir accompagné de la sorte. On me demanda d'abord des nouvelles des demoiselles Branton. J'avouai que j'avais eu le malheur de les perdre dans l'une des grandes allées où nous avions été insultés. Monsieur Branton me reprocha, dans les termes les plus grossiers, l'imprudence que nous avions commise. Je priai son fils de voler au secours de ses sœurs. Il n'y consentit que sur les ordres réitérés de son père, qui sortit avec lui. Le sieur Brown se mit aussi en devoir d'aller à la découverte de sa belle. Madame Duval ne s'aperçut qu'alors de la présence de sœur Clément. Elle lui fit un accueil peu gracieux et me dit « Vous voilà donc revenu, mon enfant. Je suis surprise que vous ayez choisi un tel conducteur. »« Je suis fâché, » répondit sœur Clément, « si j'ai le malheur de vous déplaire. Mais j'espère que vous ne m'envierez pas l'honneur de vous avoir amené Miss Anville, puisque j'ai eu l'avantage de lui être de quelque utilité. » Madame Duval se préparait à répliquer lorsque M. Smith vint l'interrompre. Il me frappa familièrement sur l'épaule et me dit d'un ton cavalier « Ah, je vous retrouve enfin, mon petit déserteur. Je vous cherche depuis une heure. Comment avez-vous pu nous quitter ?» Je me flattais qu'un regard imposant suffirait pour réprimer les airs qu'il se donnait. Mais son intelligence ne va pas si loin. Il continua sur le même ton « Allons, mademoiselle, cette mine chagrine ne vous va pas après le tour que vous nous avez joué. Considérez les peines qu'il m'en a coûtées pour vous chercher. Monsieur, c'est votre faute et non la mienne, si vous les avez prises. » Et en même temps, je me tournais vers Madame Duval. Peut-être y avait-il trop de fierté dans ce procédé, mais je voulais éviter les conjectures malignes de sœur Clément que je devinais assez par l'air de surprise qu'il affectait. Il renoua sa conversation avec moi. « Vous n'êtes donc pas, mademoiselle, avec les Mirvans ?»« Non, monsieur. » »« Y a-t-il longtemps que vous les avez quittés ?»« Non, monsieur. » »« Malheureux que je suis. Je comptais me rendre à Howard Grove, et j'en ai déjà écrit au capitaine, mais mon séjour n'y sera pas de longue durée. Resterez-vous encore quelque temps en ville ?»« Je ne le crois pas. » »« M'est-il permis de savoir où vous irez ensuite ?»« Cela n'est pas décidé jusqu'ici. » »« Pas décidé, dites-vous. » »« Ne retournez-vous pas chez les Mirvans ?» En vérité, je n'en sais rien pour le présent. Pour me sauver la suite de cet interrogatoire, je me mis à entretenir Madame Duval et je réussis de cette manière à réduire sœur Clément au silence. Quand même, le changement subi que sœur Clément croit apercevoir dans ma situation pourrait excuser en quelque manière sa curiosité excessive, il n'en est pas moins vrai qu'en homme bien élevé, il devait s'épargner tant de questions indiscrètes. Il semble mesurer ses égards aux sociétés que je fréquente, car malgré les familiarités qu'il s'est toujours permises à mon égard, il ne s'est jamais oublié jusqu'à ce point. Aujourd'hui, il croit que les temps ont changé, et il change avec eux. Tel est, sans doute, le principe dont il part, et cette façon de penser le rabaisse dans mon esprit plus que tous ses autres défauts. Quel que fût mon embarras, je ne pus m'empêcher de me divertir beaucoup du singulier rôle que jouait M. Smith depuis l'apparition de sœur Clément. Son ton suffisant et badin l'avait quitté tout d'un coup, et il observait le baronnet d'un air de perplexité et d'inquiétude. La présence d'un homme si supérieur à lui par le rang et les manières lui imposa une retenue respectueuse et le fit rentrer dans le néant dont il avait osé sortir. Pour échapper à une nouvelle conversation que Sir Clément était sur le point d'entamer, je m'amusais à examiner un des tableaux de la salle et j'en demandais l'explication à M. Dubois. « Vous vous adressez bien mal, » me dit Mme Duval. « Pourquoi ne pas consulter M. Smith, qui connaît mieux le terrain ?»« Venez, monsieur, nous expliquer ses peintures. » M. Smith, encouragé par ses distinctions, reprit d'abord son ton d'importance et s'avançant fièrement vers nous, il se mit en devoir de satisfaire Mme Duval. « Je connais, madame, tous ces tableaux et je suis d'ailleurs amateur de la peinture qui, en effet, est une fort belle chose. »« Eh bien, monsieur, » répliqua Mme Duval, « expliquez-nous donc ce que signifie cette figure. » C'était un Neptune. « Celui-là, un parbleu, comment s'appelle-t-il déjà ? Et puis-je donc être assez stupide pour avoir oublié un nom qui m'est aussi familier que le mien propre ? En attendant, je sais bien que c'est un général d'armée. Toutes ces figures représentent des généraux. » Sœur Clément se mordit les lèvres, et j'eus moi-même toutes les peines du monde pour ne pas éclater. « Voilà cependant, dit Madame Duval, un singulier habillement pour un général. « Cette figure, interrompit Sœur Clément, me paraît si distinguée que je la prendrais pour celle d'un feld-maréchal. Ne le croyez-vous pas, monsieur ?» « Oh oui, monsieur, c'est précisément cela. Mais son nom m'est échappé. Vous le rappellerez peut-être. »« Non, en vérité, je n'ai pas beaucoup de connaissances parmi les gens de guerre. » Le ton ironique de Sir Clément acheva de déconcerter le pauvre monsieur Smith, et mortifié du malheureux succès de sa tentative, il prit le parti de se taire pendant le reste de la soirée. Bientôt après, monsieur Branton nous ramena sa fille cadette, qu'il avait réussi à délivrer d'entre les mains d'une troupe de jeunes insolents. L'aîné, qui revint ensuite, n'avait pas été mieux traité. Le jeune Branton et le sieur Brown nous rejoignirent aussi et nous nous disposâmes tous à partir. Il n'était plus question que d'arranger notre retour en ville. Madame Duval refusait d'aller le soir en barque. Sœur Clément lui offrit son carrosse, mais cette proposition la mit fort en colère. Elle lui répondit qu'elle se garderait bien de se confier à un homme de sa trempe. Il fut décidé enfin que notre société se partagerait et que Madame Duval, les demoiselles Branton, M. Dubois et moi, nous partirions en voiture. Jusqu'ici, tout allait à mon gré. Je me flattais que Sir Clément serait obligé de nous quitter et par conséquent qu'il ne découvrirait pas ma demeure. Nous étions effectivement déjà montés en fiacre lorsqu'il cria halte au cocher. « C'est toi-même, misérable, lui dit-il, que j'ai arrêté pour me ramener. » Le cocher biaisa un moment. Mais il finit par avouer que Sir Clément l'avait réellement retenu et qu'il l'avait oublié. Il est évident qu'une pièce d'argent glissée dans la main de cet homme opéra cet aveu. Quelle petitesse de la part de M. Willoughby. Celui-ci était trop rusé pour ne pas mettre à profit cet événement. Il nous représenta qu'il était absolument impossible de se procurer un autre carrosse dans le moment et qu'ainsi il nous demandait la permission de prendre une petite place dans le nôtre. Il y monta sans attendre notre réponse et nous nous mîmes en route. Nous eûmes fort peu de conversation en chemin. Madame Duval seule laissa tomber de temps en temps quelques phrases dans lesquelles elle mêla les mots d'impertinence, d'impudence, de hardiesse, etc. Heureusement, ni Sir Clément, ni personne de nous autres ne releva ces expressions. Sir Clément témoigna beaucoup de surprise du quartier où l'on nous conduisait, et il fut bien plus étonné encore lorsqu'il nous vit mettre pied à terre devant la maison d'un bonnetier. J'observai qu'il était attentif à reconnaître la place, vraisemblablement pour retrouver notre demeure. Il prit congé de nous, après avoir fait descendre du carrosse les demoiselles Branton, qui retournèrent chez elles à pied accompagnées de M. Dubois. Quelle fatale soirée! Tout le monde en a été mécontent, excepté Sœur Clément, qui parut de la plus belle humeur possible. Madame Duval est furieuse de l'avoir rencontrée. M. Branton gronde ses filles. Celles-ci sont à murmurer de leurs aventures. Leur frère se plaint de ce que la partie n'a pas été assez animée. M. Brown est fatigué. M. Smith mortifié et moi-même, j'ai essuyé toutes sortes de désagréments. Et surtout, celui d'avoir été trouvé par Sir Clément en si mauvaise société. Je suppose, monsieur, que cette entrevue vous déplaira également. Cependant, je crois être à l'abri de ces visites. Madame Duval le est trop pour l'admettre.